Amuser l'ami, amuser. Mais méduser. Maudisait. Médisait. Maudissait ma distance. Je n'avais dans l'instance ni trop, ni pas assez d'insouciance. Sans sous-sens-science qui puisse éviter les chiens de faïence. Je n'avais que la musique, mais ma muse m'a dit: y'a comme un hic, la musique c'est éphémère. Et bien éphémère. Quand c'est fait, merci, au revoir. Voir pire, c'est rare d'en rire. Mais là je m'égare car je suis plein d'entrain. Je déraille, j'en perds la voix. Muse à l'âme ici, oula, perdu dans le vif du sujet qui s'écartèle sur l'autel d'une étoile qui se fait la belle. Bref, la muse me stressait, me pressait jusqu'au bout de la pulpe. Elle n'était pas dupe, vous voyez sous sa jupe. Et son discours me la scène. Mais comment se faire larguer sans une vague à la mare qui se tienne? Et si vous êtes largué, pensez aux amas que la musique déchaîne. Ma muse dans l'histoire. Et ta muse dans l'histoire. À la mamise sur mon amoral. Et ma muse se plaffe à l'extrême, se trouve décuplée. Quand ma muse en a marre et se fait la malle en lamelle, elle coupe mes petits mots mielleux. Et mieux encore, elle maltraite, me traite. S'apprête à partir. Puis s'arrête et me jette un regard. J'évite peu qu'il évite et qu'il peut m'exécuter. D'un coup, sur les linceuls de cette joute verbale vers elle, et s'ajoute au scandale scantelle. Que dalle au pavé, je ne vois pas la plage. Et sur la plage arrière, on voit peu la marée. Retour à la marage, vous comprenez, marage, comment se faire larguer sans une vague à la mare qui se tienne. Et si vous êtes largué, pensez aux amas que la musique déchaîne. Ma muse dans l'histoire. Et ta muse dans l'histoire. A toujours la mamise sur mon amoral. Mon ami honore, mon âme sonore. Mon amulette, ma tête de mule, mon amulule à la mort. Amuser, méduser, maudissait ma distance. Je n'avais dans l'instance ni trop, ni d'insouciance, sans sous-sens-science qui puisse éviter les chiens de faïence. Je n'avais que la musique, mais ma muse m'a dit: y'a comme un hic, la musique c'est éphémère, et bien éphémère. Mais ça le fait. Merci beaucoup. Cette fée vaut le coup, beaucoup. Mais c'est pour les casse-cou qui prennent les 400 coups. Mais c'est pour les casse-cou qui prennent les 400 coups. Mais comment se faire larguer sans une vague à la mare qui se tienne? Si vous êtes largué, pensez aux amas que la musique déchaîne. Ma muse dans l'histoire. Et ta muse dans l'histoire. A encore et toujours la mamise sur mon amoral. Mon ami honore, mon âme sonore. Mon amulette, ma tête de mule, mon âme ulule à la mort. Ma muse hoquette, ma muse coquette, ma muse me muse elle encore. Ma musique se répète, c'est de la médisaccord. Ma muse hoquette, ma muse coquette, ma muse me muse elle encore. Ma musique se répète, c'est que de la médisaccord. Mon âme honore, mon âme sonore. Mon âme étonnore, mon âme s'endort. Mon amulette, ma tête de mule, mon âme ulule à la mort. Ma musique se répète, c'est que de l'âme et des accords. Merci.